Ya Allah, j'ai une invocation à faire. Je te demande humblement de protéger nos mères. C'est l'histoire d'une existence. Tout commence par l'enfance, un être à la garde, pour moi, mon essence. Ce texte, une reconnaissance. Reconnaissance pour une vie mue d'un sens. Sens donné par l'obéissance. Émergé d'un ventre, que d'intenses souffrances vécu cet être. Alors, pour remercier, je prends mes mots et j'en fais une danse. J'avoue, j'ai de la chance, mais pour écrire, il faut des compétences. Compétences acquises par amour pour un être. Cet être lucide à tous mes problèmes, toutes mes querelles, depuis ma maternelle jusqu'à aujourd'hui. Présent à tout moment, que ce soit de peur, de malheur ou de bonheur. En cette heure, j'écris ce texte pour des points, mais avant tout, j'utilise un atout, l'amour que j'ai pour moi-même.